rassemblé, c'est les pour nous parler. Où pays a avancé, faut que la jeunesse l'a encadré. On planté, on récolté. Où dit mon yo qu'à manger, qu'à manger. You pense nous pas qu'à vivre qu'on ferait à te. C'est les you va ouer à marcher mais dans la mer. Y'a saisi, y'a saisi, y'a saisi. Messieurs, dames, on rassemble. C'est les bons nous parler. Avancé, faut que la jeunesse la regarde. En planté, en récolté. Où dit mon yoga à manger? Yo content, les yo, yon pas qu'à vivre à gloire. Yo pensez nous pas qu'à vivre qu'on ferait à te. Desalino, papa desalino, wap toujours été mon général. Desalino, papa desalino, wap toujours été un grand pirate. Oh,